Le porte-parole du Conseil des croyants de Corée a publié le 7 courant un entretien qui dit notamment « Park Geun-hye a décidé de disposer aux environs du lieu sacré du bouddhisme orthodoxe, le SAD, foyer de l'agression et de la guerre, et les croyants sud-coréens se dressent contre elle. » Le Conseil des croyants sud-coréens pour la paix, regroupant sept organisations religieuses, a lancé une déclaration d'accusation exigeant de ne pas installer les armes meurtrières sur le lieu sacré de la religion, donnant la priorité à la paix. Les milieux religieux dont les catholiques, Sungkyungwan Université Confucéenne, les chrétiens et les bouddhistes s'engagent résolument dans la lutte contre le déploiement de SAD. Près du terrain de golf de Songju, il y a la maison natale du second chef suprême du bouddhisme orthodoxe, un des quatre lieux sacrés du bouddhisme orthodoxe sud-coréen. Les lieux sacrés religieux sont inviolables dans le monde depuis l'Antiquité. Les croyances religieuses et le pèlerinage ne sont jamais séparables et la pose de SAD meurtrier par Park Geun-hye sur le lieu sacré constitue la répression de la religion et la violation des croyances et du pèlerinage. Dépassant le tempérament fasciste de son père, dictateur rénové et tristement célèbre, Park Geun-hye n'a pas hésité à lancer les forces de l'ordre dans les établissements religieux. Et cette fois-ci, elle cherche à y déployer les équipements de guerre. Si l'on la laisse faire, la justice et la paix seront supprimées et la nation coréenne subira les catastrophes de guerre nucléaire. Tous les croyants sud-coréens attachés à l'amour, à la paix et à la justice ne doivent jamais tolérer la disposition de SAD par Park Geun-hye, traîtresse à la nation et maniaque de confrontation fratricide. Ils sont appelés à s'engager courageusement dans la lutte pour chasser les troupes US, obstacles à l'entente et à l'unité nationale, à la paix et à la réunification.